Only your music on RQC. Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusqu'à 10h30, Scream, pour l'émission Backstage. Aujourd'hui, ben voilà, vous allez découvrir comme on fait d'habitude, hein, on va d'abord vous passer un titre de ce backstage. Tout ce que je peux vous dire juste avant de passer ce titre, c'est un backstage de 1996. Voilà, donc on va d'abord s'écouter un titre. J'espère que vous allez reconnaître l'interprète ou le groupe. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Et après, on commencera, on rentrera dans le vif du sujet comme on fait d'habitude. Voilà, c'est parti les amis. Backstage, les coulisses du son. Three, four, Voilà, donc je ne sais pas si vous avez reconnu cette personne. Hein. Eh ben, il s'agit bien entendu de Marilyn Manson. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Antéchrist Superstar, sorti en 1996. On poursuit avec le deuxième titre, The Beautiful People. Voilà, The Beautiful People, donc c'était Marilyn Manson, c'est le backstage consacré donc à Antéchrist Superstar, sorti en 1996. Alors Marilyn Manson, de son vrai nom, Brian Hugh Warner, né le 5 janvier 1969 à Canton dans l'Ohio, est un musicien, chanteur rock, peintre, poète, acteur et plasticien. Américain. Il est mondialement connu pour être le leader du groupe fatalement industriel Marilyn Manson, portant son nom. Son nom de scène est une référence à l'actrice Marilyn Monroe et du tueur en série Charles Manson. Marilyn Manson est un artiste controversé qui utilise la provocation et un blasphème teinté de philosophie et de symbolique mystique dans une grande partie de ses albums. Et lors de ses concerts, sa musique et son attitude lui ont valu beaucoup d'ennuis avec des mouvements religieux et politiques l'accusant de pousser la jeunesse à la violence et à la perversion, notamment après le massacre du Columbine. Moi ayant vu Marilyn Manson à plusieurs reprises en concert, je peux vous dire, c'est un ange comparé à certains autres groupes. Voilà, maintenant, c'est bien entendu, comme je dis toujours, c'est les médias qui en font un petit peu leur part du gâteau, quoi. Voilà. Alors, on va se consacrer, je vais un peu vous parler d'abord de l'Antichrist Superstar, l'album avant de, parce que d'habitude je fais comme d'habitude, je fais l'album à la fin, mais là c'est un peu particulier car cet album c'est un album avec des cycles, donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc Antichrist Superstar est le deuxième album studio, deuxième album studio de Marilyn Manson sorti en 1996, mais là à mon avis il y a une grosse erreur parce que les album studio, c'est pas ça du tout, il y en a beaucoup plus que ça avant Antichrist Superstar, je peux vous le garantir. Hein. Oui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, c'est le troisième, voilà, donc vous voyez. Donc, je reprends ma ligne de conduite, sorti donc... a conduit à de nombreuses protestations en raison de l'antichristianisme supposé du groupe. Il a été produit par Trent Reznor, son grand ami Nine Inch Nails, le frontman donc de Nine Inch Nails. L'album s'est vendu à 7,5 millions d'exemplaires dans le monde entier jusqu'en 2008. Trent Reznor aussi, une petite apparentée comme ça, ils avaient enregistré leur premier album de Marilyn Manson qui s'appelle tout simplement Portrait of American Family dans la maison même où... Charles Manson a commis son, enfin, a fait commettre son massacre. Alors, quand je vous parle de cycle de l'album, l'album est teinté en trois cycles. Donc, c'est-à-dire qu'il va reprendre des titres dans le cycle 1, qui s'appelle The Orphean, où il y a 4 chansons. Après, il y a le cycle 2, Inauguration of the Worm, où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titres. Et puis le cycle 3, avec Disintegrator Rising, où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7 titres. Cette titre, voilà. Donc, après, je vous parlerai parce qu'il y a aussi des symboles et ce que les cycles signifient. Donc, on va d'abord s'écouter un troisième titre, toujours extrait du cycle 1. Dread Up, Tade and the Dead, The End, de Antichrist Superstar. On se retrouve tout de suite après. En couleur, en concert, sur RQC. Cover. Voilà donc, c'est Dread, Updated and Did. Juste pour vous dire aussi que c'est la bande originale du film La Maison de Cire, le remake, hein. Donc ce titre. Alors voilà, comme je vous disais, le cycle 1, c'est 4 titres sur l'album. The Horrifiant, avec donc Unrinceable Had a Them, The Beautiful People, Dread Updated of the Dead of the World, et Tourniquet qu'on écoutera tout de suite. Alors, les thèmes, qu'est-ce qu'ils signifient? Bon, l'album fait 77 minutes. C'est sorti chez Interscope en 1996. Alors d'abord, il y a les symboles, comme c'est le cas avec la plupart des albums de Manson. Antéchrist Superstar comporte de nombreux symboles et de messages cachés, tout en décrivant comme les vers, l'ignorant naît, qui puis devint un homme, et enfin un surhomme, comme celui décrit par Nietzsche, incarné par la figure biblique de l'Antéchrist, qui, ayant atteint la divinité, doit mourir et renaître. Alors, sur le cycle 1, ben, il y a chaque explication. Hein. Le Horrifiant est la cinquième carte du jeu de tarot et symbolise à la fois la prédiction de l'avenir. L'interprète et l'avocat, Manson annonce l'arrivée de l'Antéchrist tout en étant son propre avocat. Invincible Hate Attem, bien que l'album soit sorti en 1996, le livret indique que ce titre est un live joué le 14 février 1997 à la Saint-Valentin. Donc, toutes les paroles ne sont pas écrites dans le livret, notamment le « When you are suffering, know that I have betrayed you, Quand tu souffres, sache que je t'ai trahi. » Au début de la chanson, « American cannot say anything » trois fois, donc il le dit. Donc, l'Amérique ne peut rien voir. L'histoire a été écrite pour les vainqueurs. Vers la fin de la chanson, donc, il nous dit aussi « Nous haïssons l'amour, nous aimons la haine. » Manson annonce l'arrivée de l'Antéchrist. « The Beautiful People », donc c'est le deuxième titre. Brian Warner est né, il observe le monde, il observe la domination des forts sur les faibles, comme la vision de la beauté est contrôlée par les plus forts médias. Donc, il parle des médias. Ce qui est fort est beau, ce qui est faible est laid. Mais les forts ne doivent leur domination morale et culturelle qu'à la faiblesse et au masochisme des masses. Donc ça, c'est pour les deux premiers titres, hein, que je vous disais. Alors après, on passe à Dread, Upside and Dead to the World. Manson se compare en quelque sorte ici à Jésus-Christ et affirme être un martyr. Les chrétiens sont en train de recommencer la même erreur avec lui. Cette chanson est aussi en quelque sorte l'allégorie de sa mère avec un caractère très autobiographique, accompagné d'une critique générale dans la superficialité comme fuite de soi. Tourniquet, donc c'est celui de titre qu'on va s'écouter pour terminer le cycle 2. Au début de la chanson, Manson murmure quelque chose d'après son autobiographie. Il murmure à l'envers « This is my lowest point of vulnerability ». Manson est ici vulnérable, il parle d'amour et essaie de créer une créature innocente pour pouvoir l'aimer. Face à la cruauté du monde, public, leur relation apparaît dans toute sa vanité illusoire et morbide que Manson tente désespérément de préserver et de masquer. D'où le titre de la chanson, Garo en français, évoque une solution de fortune contre un danger inévitable. Donc tourniquet ne veut pas dire tourner, hein, ça veut dire un garo quand on compare la chanson et les textes. On va s'écouter ce titre et on se retrouve tout de suite après, les amis. Vous écoutez Backstage. We'll be right back. Voilà, donc c'est ce qui clôturait le cycle 1, Tourniquet, donc de Marilyn Manson, de Antichrist Superstar, sorti en 1996. Alors on va commencer à vous parler du cycle 2, je vais vous lire tout ce qui est sur le cycle 2, et après je vous dirai du titre du cycle 2, et je vous annoncerai quand on passera par exemple au cycle 3, il n'y a pas de problème. Alors le cycle 2, ça s'appelle Inauguration of the Worm. Le passage fait référence au vers et au surhomme de Nézetier, Brian en rejetant l'influence aliénante de ses proches de la société est devenu Marilyn Manson. Ce cycle raconte le passage du vers à l'homme pour ensuite devenir un surhomme. Donc le premier titre qui est joué, donc c'est Little Homme. Le temps est venu pour le ver de devenir un véritable homme, directement basé sur un rêve apocalyptique. Comme la plupart de l'album, la chanson prédit, quoique de façon encore naïve, le triomphe blasphématoire de l'Antichrist Superstar. Le ver devient donc Little Homme dans l'espoir d'inciter les hommes à s'auto-déterminer. Après, il y a Crypto Child, I Wish Out Ball. Brian est maintenant adulte, le ver obtient ses ailes et il est maintenant puissant, d'où la mention du chiffre 7, qui est le chiffre de la puissance et peut prendre des décisions tout seul sans être une victime de l'autorité parentale et sociale. Après, il y a Deformagraphy. Manson est devenu une star et parle ainsi aux fans. Il affirme que devenir star est dur mais possible, mais qu'il est inutile d'essayer de le copier étant donné qu'il est unique. Après, il y a Warboyne. Le chanteur n'a plus peur des péchés car il croit que Dieu n'existe pas. Il pousse ses fans à faire de même. Il faut profiter de l'instant présent sans se soucier de ce qui va se passer après la vie. Après, il y a Mr. Superstar. Un passage entier n'est pas mentionné dans le livret. Hein, donc je ne vais pas vous lire tout le livret parce que sinon on en est là pour demain. Hein. Ils disent tout simplement « Je voudrais être mort, je voudrais être mort. Tue-toi à la télé. » J'espère que tu te tueras à la télé. Tu te tueras à la télé. Donc voilà, donc c'est dans ses paroles, hein, c'est Marilyn Manson, donc toujours assez provocateur. Après, il y a Angel with the Scarlet Wing. L'ange mentionné n'est rien d'autre que Manson, l'ange déchu, possible allusion à Samael. Il a été corrompu par la société et affirme qu'il peut choquer les autres, en l'occurrence les fans, se conformant ainsi à l'image décadente et sulfureuse mais artificielle, l'épouvantail de multiproc stars avant lui. Après, pour terminer le cycle, il y a aussi Ganderfeld. Le titre de la chanson signifie en allemand le chant de bataille des enfants. La chanson devient plus calme et plus morbide. C'est en quelque sorte une pause de l'album. L'ange profite de revenir à son enfance. Trois personnages sont ici présents. Le ver, Brian, donc, le destructeur Manson et son grand-père Jack Warner. Manson montre la personnalité étrange de son grand-père et la relation abusive qu'il a entretenue avec lui, et comment la répression de la curiosité et la culpabilisation forcée a fait de lui un nouveau personnage amer et haineux, le destructeur Disintegrator. Voilà, donc ça termine le cycle 2. Nous, on va s'écouter deux titres l'un à la suite de l'autre du cycle 2, donc Little Home et Crypto Child, et après on continuera dans le Antichrist Superstar. Backstage, les coulisses du son. Come on! Voilà, donc on vient de s'écouter deux titres l'un à la suite de l'autre, hein, avec Little Home et Creep Child. Alors on passe au cycle 3, hein, qui s'appelle simplement Désintégrateur Raising, le désintégrateur, pardon, l'ange détruit. Tout sur son passage, ben là on a quelques titres, hein, l'Antéchrist Superstar, titre éponyme de l'album, l'étape finale de la transformation poussée au bout de ses fans et le monde dégoûté par leur super facilité. Manson est devenu l'Antéchrist Superstar, c'est l'image du surhomme dans son aspect le plus terrible, voire inaccompli, car toujours nihiliste. L'Amérique l'a créé, Marilyn Manson l'est devenu. Il a encore des paroles cachées dans ses chansons, les mêmes que dans Invincible Hate Them. Après, il y a 1996, l'Antéchrist expose sa haine envers la société. Il devient l'anti-tout, comme le montrent les paroles de la chanson. Il nous déteste pour l'avoir transformé. Et ce dont il a horreur, la haine de l'Antéchrist, est tellement grand qu'il se contredit lui-même. Il est toujours simple, agacé par son existence. Après, As a Minute of the Decoy, l'ange craque parfaitement seul. Il pense que son combat est inutile. C'est la chanson la plus dépressive de l'album. The Minute That Is Born in the Beginning to Die. Finalement, l'ange se rend compte qu'il est voué à la mort. Lors du premier enregistrement, Manson aurait versé toutes les larmes de son corps, comme à la fin de la chanson lorsqu'il déclare « I love to live this lie » et le producteur Trent Reznor lui dit « T'en fais pas trop là ?» Manson s'est vexé, l'a insulté et a recommencé sa prise. Après, il y a The Referencing Gold. Là, c'est l'ange est incompris et défie son public de le tuer. Manson aborde ici le thème du culte des victimes médiatisées qu'il développera dans Hollywood. Donc, c'est un autre album, hein, suggérant qu'une mort violente et spectaculaire le sanctifierait et anéantirait le monde qui l'adulait. Après, il y a Man Does Your Fear, c'est la mort de l'Antéchrist Superstar. Manson condamne l'Église chrétienne pour l'avoir créée et ses suivants pour l'avoir encouragé sa folie. Il se compare à un prophète trahi par les siens qui doit mourir pour accomplir sa mission. Et en effet, dans le clip de la chanson, Manson se fera lapider par sa famille et ses amis. Il est encore une fois des paroles cachées. Après, à la piste 17 à 98, profond silence, peut-être quelques minutes de silence pour la mort de l'Antéchrist. Après, il y a 19. À la fin de la chanson, on retrouve donc les paroles du début de l'album à la manière de l'Ouroboros, le CD à sans fin, car le début de la piste 1 et la fin de la piste 99, cela annonce le retour de l'Antéchrist. Donc c'est une chanson qui revient en boucle. Voilà, donc ça c'était pour le cycle 3 de Marilyn Manson de l'Antéchrist Superstar. Nous on va s'écouter Déformographie. Donc on est toujours dans le cycle 2. Je dis bien dans le cycle 2 de Marilyn Manson. Après je vous parle un petit peu de sa vie de Marilyn Manson, qui n'a pas été trop rose non plus quand même. En couleur, en concert sur RQC. In your little trap. What I want and what I want is so unreal. You are the one I want and what I want is so unreal. You are the one I want and what I want is so unreal. I lift you up like the sweetest angel. I tear you down like a hole. You're such a dirty, dirty Voilà, déformographie. Alors, toujours avec Marilyn Manson, donc Antichrist Superstar, hein, c'est le backstage d'aujourd'hui, hein, 1996 pour ce backstage. Brian Hugh Warner naît le 5 janvier 1969 à Canton dans l'Iowa. Sa mère Barbara Ware, issue d'une famille de paysans et infirmières, et son père Hugh, issu d'une famille d'origine allemande dans la classe moyenne, établie aux États-Unis depuis plusieurs générations, a été pilote d'hélicoptère dans l'armée américaine durant la guerre du Vietnam, puis vendeur dans un magasin de meubles pendant l'enfance de Brian. Garçon solitaire, Brian a pour seul ami son cousin Chad, qu'il retrouve chaque jour après l'école chez sa grand-mère Béatrice Warner, qui les gardent jusqu'à ce que leurs parents aient fini leur journée de travail. Ensemble, ils jouent aux espions, aux professions que Brian rêve alors d'exercer. La personne qu'il préfère épier est leur grand-père Jack, routier à la retraite. Jack descend souvent à la cave faire tourner un petit train électrique. Au fil de leurs enquêtes, Brian et Jack découvrent que la cave n'est pas ce qu'ils imaginaient. Leur grand-père y conserve toute une collection de revues pornographiques, de vieux jouets sexuels et des sous-vêtements féminins, des perruques et même des photos zoophiles. Ce grand-père meurt d'un cancer en 1995. Enfant, Brian est scolarisé à l'Heritage School, Christian School, établissement privé apostolien, régi par les règles très strictes. Les cheveux longs ne sont pas tolérés chez les garçons et la couleur des tenues est imposée selon les jours de la semaine. Un jour, Brian amène en classe une photo que sa grand-mère maternelle a prise depuis le hublot d'un avion montrant, selon elle, un ange dans le ciel. Son professeur crie au blasphème. Déçu, Brian décide catégoriquement que cette école ne pourra rien lui apporter de bon. Et il s'acharne à se faire renvoyer. Il multiplie sans succès les entorses aux règles, vol, contrebande, introduction dans l'école d'objets interdits aux autres. Les enseignants de Brian éprouvent un dégoût profond pour la culture rock et c'est par une rébellion qu'il s'y intéresse. L'école organise des séminaires durant lesquels ils effraient les enfants avec des légendes sur des groupes de musique pop. Brian devient un fan inconditionnel des AC/DC, Judas Priest et surtout du groupe Kiss. En effet, alors qu'il n'a que 10 ans en 1979, son père l'amène à l'un des concerts de leur sens de la mise en scène, impressionne fortement le jeune Brian. À la fin du collège, Brian revient dans un lycée public. Maladif, souvent absent, il a du mal à s'intégrer durant son année de seconde, 17 ans environ. Il fait une grave allergie aux antibiotiques qui manquent de le tuer. Il est hospitalisé au Jennifer, une fille de sa classe, lui rend régulièrement visite. Il devient sa première petite amie au lycée. Il sympathise avec John Crowell, un garçon Dehibile, pardon, qui partage sa passion pour le rock et qui lui offre son premier joint de marijuana. Allez, on va s'écouter Warm Boy de Marilyn Manson. Vous écoutez Backstage. Voilà, donc c'était Warm Boy de Marilyn Manson. Alors, carrière, ben, il a fait un peu du journalisme à 18 ans. Par exemple, il emménage avec sa famille à Fort Lauderdale en Floride, où son père a trouvé un poste de vendeur dans un magasin de tapis. Brian s'inscrit alors au Broward Community College pour y étudier le journalisme et le théâtre. Pendant son temps libre, il écrit des poèmes et des nouvelles qu'il essaie de faire publier sans succès. Dans des revues parallèles, il y travaille de nuit pour une chaîne de magasins de disques, The Speak Local. Après s'être fait renvoyer, il travaille un temps comme critique musical pour le Tonight Today, un journal gratuit. Ne recevant aucun salaire de son patron, il se fait embaucher comme journaliste au 25 Parallèle, une toute nouvelle revue, et exagère un peu sur son CV. Il n'est pas diplômé et n'a presque aucune expérience. Pour interviewer les grands du nom, de la musique telle que Malcolm McLaren, D.B. Harry ou les Red Hot Chili Peppers et même Trent Reznor à qui il confie alors sa volonté d'être de l'heure. En musique, ben avec le guitariste Scott Putowski, il forme Marilyn Manson and the Spooky Kid à la suite de plusieurs conversations à la Réunion Room de Fort Lauderdale en Floride en 1989. Le nom est par la suite raccourci à Marilyn Manson avec Spooky Kid Manson et Gerody White, également connu sous le nom de Twiggy Ramirez, s'applique avec Stephen Gregory Brian Gere, également connu sous le nom de Madonna Wang Gacy, dans deux projets parallèles, Satan on Fire, un groupe de heavy metal chrétien fictif dans lequel il joue de la guitare basse et de la batterie, ainsi que Mr. Scabri, un groupe collaboratif formé avec White et Jessica, chanteuse du groupe Jack of Jill. En 1993, le groupe attire l'attention de Trent Reznor, produit leur premier album en 1994, Portrait of American Family, et il est publié sur le label Nothing Records. Le groupe se popularise en participant même au Self-Destruct Tour qui aboutit à l'album de Joe Sward, Spiral, aux côtés de Nine Inch Nails et de Jim Rose Circus, en parallèle à l'apparition de Smells Like Children en 1995. Cette EP contient un de leurs succès diffusé sur MTV, Sweet Dreams, Are You Made of This, qui est une reprise bien entendu de Eurythmics, coproduit bien entendu par Trent Reznor. Rien qu'aux États-Unis, trois albums du groupe sont certifiés double disque de platine et trois autres disques d'or. Le groupe de son côté atteint 7 fois le top 10. Marilyn Manson travaille initialement en tant que producteur pour le groupe Jack of Jill. Il aide à l'enregistrement de leur première composition, joue de la guitare sur la chanson My Kate et fait participer le groupe à de nombreux concerts sur du sud de la Floride. Manson a écrit par la suite l'album Humid Teenage Mediocrity 92-95, regroupant leur première composition de Jack of Jill. Manson apparaît comme guest dans l'album Flesh of My Flesh, Bloody of My Blood de DMX, dans l'album 2000 Year of Human Error du groupe Godhead, et le seul distribué par Putzman. En 2011, Manson révèle avoir participé à la chanson Can Hunt My Me, présentée dans l'album Invincible de Skylar Gary. Voilà, on va s'écouter encore un titre, puis je vous parlerai en vitesse de la discographie de Marilyn Manson si on a un peu de temps. Ben, je crois qu'on n'aura pas de temps, donc je vais vous faire en vitesse sa discographie avant de se quitter avec un titre. Donc dans sa discographie, on a en 94 Portrait of American Family, puis après 95 Smell Like Children, en 96 le fameux Antichrist Superstar, donc l'album qu'on vous parlait qui dure 77 minutes, en 98 My Chemical Animals, en 2000 Hollywood, en 2003 The Golden Age of Grotesque, en 2007 It's Me Drink Me, en 2009, The Height End of Low. En 2012, Born Violent. En 2015, The Pearl Emperor. En 2017, Even Upside Down. Bien entendu, il y a aussi, il a fait pas mal de choses dans des films aussi, comme je vous l'ai dit. Il a joué dans Lost Highway de David Lynch, Jawbreaker. Il y a aussi dans Brawling from Columbine, le livre de Jérémy. Il y a Rise et bien d'autres. Et alors à la télévision, il a apparu dans le film, dans les séries Californication, Once Upon a Time, Son of Anarchy, Salem. Et là, il est en train de préparer une nouvelle série. Voilà. Donc c'était pour le backstage d'aujourd'hui, de ce mercredi 2 août. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Et nous on va se quitter avec le titre Mr. Superstar de Antichrist Superstar de Marilyn Manson. Ciao ciao, à la fois prochaine les amis. En couleur, en concert sur RQC. superstar.